Qu'est-ce que tu as pensé de ce ballet ? Oh, c'est admirable. C'est déjà la deuxième fois que je le vois. Les décors étaient magnifiques, n'est-ce pas ? Non seulement les décors, mais aussi les costumes. J'ai adoré ces couleurs chaudes sur le fond noir. C'était superbe. Les danseurs n'étaient pas mal non plus. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu as vu cette technique ? C'était parfait, à la fois naturel et virtuose. C'est du grand art.